Merci d'être venu par ce temps frais et pluvieux, un vendredi soir. Merci beaucoup. On a le plaisir de recevoir Guillaume Etier ce soir dans le cadre du festival Chantier Commun. Chantier Commun qui est porté par l'association Territoires Pionniers, Maison de l'Architecture Normandie. Cette année, on avait choisi un thème, un fil rouge, qu'on a appelé « Place à demain », qu'on avait choisi dans le contexte des élections municipales, puisqu'on choisit notre fil rouge de programmation quelques mois avant l'événement de Chantier Commun. Et donc on s'était dit, tiens, comment on va faire pour exister médiatiquement dans le bouillon médiatique des municipales? On s'est dit, voilà, il faut qu'on s'ancre aussi dans les thématiques. Donc la place nous semblait être déjà une bonne porte d'entrée, quelle que soit l'échelle de la métropole ou du petit village en ruralité. La place et puis la question de la prospective, donc place à demain. On avait aussi envie d'intégrer à cet enjeu-là la question de l'altérité, la place qu'on fait aux autres humains et aussi aux autres non-humains, aux vivants en général. Guillaume, qui passait par là, puisque... Moi-même non-humain. Tu es toi-même non-humain, exactement. Partiellement non-humain. C'est la version hologramme numérique de Guillaume qui est présente ce soir. Qui passait par là, au sens où Guillaume est professeur de sociologie urbaine à l'Université de Québec-Montréal. En fait, oui, c'est à l'Université du Québec. Du Québec. À Montréal. À Montréal. Ouais, voilà. L'UQAM, c'est ça? L'UQAM. Et Guillaume, tu es en France pour venir lors d'une à l'invitation d'une chaire à Rennes 2, exactement. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il se proposait... de passer nous voir entre son atterrissage à Paris et Rennes. Et le hasard a bien fait les choses, puisque Guillaume, tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La ville analogique, repenser l'urbanité à l'ère numérique », et qui était totalement raccord avec notre thématique de cette année. Donc on est très très heureux de te recevoir. Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation, je suis très content d'être ici. Et est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est qu'une ville analogique ? Vaste, vaste question. Ben d'abord, merci d'être ici. Ça me fait plaisir de discuter avec vous, puis peut-être éventuellement de poursuivre la discussion après, si ça vous intéresse. Je suis un peu en décalage horaire encore, donc si j'ai des moments de déphasage, désolé d'avance, mais ça devrait aller. Qu'est-ce que c'est la ville analogique? C'est d'abord un titre. Je vais vous faire une confidence. J'ai eu le titre avant d'avoir une idée précise du contenu. Je sais pas si on a le droit de faire ça, mais ça collait éventuellement. Mais il y a plusieurs années, je me suis dit, la ville analogique, ça sonne bien. Je me suis rendu compte qu'il y avait un projet de l'architecte Aldo Rossi dans les années 70 qui s'appelle La Città Analoga, qui est en fait une maquette composite qui avait été présentée à Vienne. Enfin, qui était très intéressante. J'aime beaucoup Aldo Rossi par ailleurs, mais peu importe. Mais c'était à l'amorce d'une réflexion que j'avais à ce moment-là sur les parcours croisés de plus en plus importants entre l'évolution de la forme urbaine et le numérique, qui n'était pas une chose nouvelle, mais j'avais l'impression que on nommait peut-être mal un certain nombre de problèmes, un certain nombre de liens, en fait, qu'on pourrait faire entre ce que j'appelle le déplacement de l'espace public en quelques années, entre donc des lieux où la discussion, la parole est échangée comme ici, ce soir, donc des lieux tangibles, et des espaces où, désormais, on a nos sociabilités qui sont donc en ligne, en partie dans les médias sociaux, mais bon, on réagit à l'information dans ces contextes-là. Et il y avait quelque chose, à mon sens, qui se passait là, qui était absolument fondamental, et j'avais l'impression que, en retour, quand on retournait dans les milieux de l'aménagement, quand on retournait dans une réflexion sur l'espace physique, sur l'urbain, sur le territoire, sur l'architecture, c'est comme s'il y avait une sorte de divorce fondamental où on faisait pas le lien entre les deux, hein, tout d'un coup. Alors, tu sais, pour la petite histoire aussi, le numérique a différentes étapes de progression depuis donc l'invention des technologies numériques dans les années 70, qui permet de décomposer n'importe quel produit culturel, que ce soit un texte ou une image ou du son, en un code, qu'on peut ensuite exporter. Il manquait assez un véhicule pour l'exporter, qui était le web, qui arrive dans les années 80, qui se généralise dans les années 90. Et jusqu'à date, ça touche pas vraiment l'urbain fondamentalement. Mais il arrive une chose assez soudaine à partir de 2007, donc c'est l'apparition du premier iPhone, le petit iPhone. Je l'ai vu récemment dans un musée, j'étais étonné, il était plus petit. On nous a habitués à des formats de plus en plus gros, mais en tout cas, peu importe. Et l'apparition du iPhone qui augmente considérablement les capacités connectives de ces objets-là. Alors, donc, désormais, on peut être sur Internet non plus seulement chez soi ou au travail le matin ou le soir, mais en tout lieu et à tout moment. Et je fais un exercice des fois en classe avec les étudiants, je leur demande jusque où va la Smart City. Puis là, on essaie de nommer des lieux, des moments dans la journée, puis finalement, c'est partout. C'est du réveil le matin, notre appareil qui nous réveille avec une alarme jusqu'au dernier moment de la soirée, et c'est en tout lieu aussi, de la campagne à la ville, etc. Alors, ce numérique-là va être rapidement accompagné d'une montée des médias sociaux qui arrive tout de suite après et qui est absolument concomitante à l'invention des téléphones intelligents, parce qu'on n'est pas sur des médias sociaux à la maison, mais on l'est en tout temps chez soi, on prend le téléphone. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une coupure qui s'opère à partir de ce moment-là. La coupure étant qu'on peut désormais être en hyper-connectivité partout, en tout temps, en tout lieu, notamment donc dans les villes, notamment dans l'espace public. Et pour moi, il y a une sorte de condition qui se met en place, que j'appelle l'ubiquité. Hein, c'est la capacité d'être simultanément ici et ailleurs à tout moment, qui tranquillement se met en place, s'installe dans nos vies, change de manière assez subtile nos comportements, mais pas si subtile quand on fait le recul entre maintenant et il y a 15 ans derrière. Hein, tout d'un coup, on a adopté des nouveaux comportements qui font en sorte, à mon sens, qu'on parcourt, qu'on vit la ville de manière complètement inédite. Et là, alors, je vais l'expliquer davantage après, mais la ville analogique, c'est-à-dire, d'une part, est-ce que c'est possible d'imaginer un projet de ville qui prendrait acte de cette nouvelle réalité-là, dans laquelle l'espace public est virtualisé, mais plutôt que de copier ou prolonger le projet ou la forme de l'espace public tel qu'il existe en ligne, proposer en fait ce qui serait la force d'une ville, c'est-à-dire offrir une expérience qui serait exactement l'inverse à ça. Et donc, l'analogie ici a un jeu de mots, c'est-à-dire que c'est à la fois lié aux technologies analogiques, donc plus anciennes, d'autres façons de faire, d'autres façons de communiquer, mais c'est aussi une ville que j'ai voulu directement analogue, mais renversée de ce que le numérique propose. En fait, l'idée est tout simplement ça, de dire, maintenant, peut-être que la cité, elle est d'abord numérique, si on se projette dans le futur, l'imaginer comme ça, puis aborder cette question-là en la critiquant, mais en proposant de réinvestir la ville autrement, différemment, en s'inspirant des choses qui ont fonctionné dans l'histoire, mais en inventant des nouvelles façons de faire aussi. Tu me disais aujourd'hui que c'était d'ailleurs une bascule qui n'était pas consentie. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui on ait tous un ordinateur de poche très intelligent, ce n'est pas un truc, on ne s'est pas arrêté un moment pour dire, tiens, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre ? C'est quelque chose qui est là, qui n'a pas forcément été l'objet d'un désir particulier et qui a des conséquences majeures sur nos modes de relation et nos interrelations, notamment dans l'espace public. Je ne sais pas si certaines ou certains ici sont venus sans connaître le pavillon. Ils ont peut-être tapé le pavillon dans leur application GPS et puis ils sont arrivés ici. Ils n'ont pas eu besoin de demander leur chemin à quelqu'un dans la rue ou de s'arrêter dans un commerce. Et il y a une conséquence formelle qui est mesurable. Toi, tu fais aussi cet exercice-là dans tes recherches, d'aller observer dans l'espace public concrètement comment les gens interagissent ou n'interagissent pas avec cette question du numérique. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot justement sur cette bascule et en quoi ça a des conséquences qui se répercutent sur l'urbain ce changement de mode de relation du fait qu'on a une indépendance et une capacité à se mettre en permanence dans notre bulle. À tout moment, on peut se réfugier dans un espace numérique à caractère privé. Oui, tout à fait. Peut-être une petite anecdote avant. J'ai trouvé une archive assez savoureuse il y a quelques temps de Michel Serres, le philosophe, qui, tout jeune, en 62, est appelé à commenter à la radio le premier vol dans l'espace d'un cosmonaute qui est Gagarine, Yuri Gagarine. Puis on lui demande un peu... c'est pas extraordinaire, jamais un homme est allé aussi loin de la Terre dans l'espace, etc. Puis sa réponse, c'est de dire, ben moi, ce qui m'épate, c'est qu'il n'est jamais parti. Et il y a un peu un silence, parce qu'il n'est pas parti, parce que tandis qu'il est en orbite autour de la Terre, en fait, il était toujours en communication radio avec le sol. Puis il dit, pour moi, c'est le signe d'une époque qui s'en vient, où on ne sera jamais vraiment parti. On ne sera jamais vraiment déconnecté sur ce plan-là. Alors, ce à quoi tu fais référence en particulier, parce que je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un projet que je suis en train de mettre en place, qui est un peu le prolongement. En fait, la ville analogique, pour moi, c'est un essai. Alors, tu sais, c'était lancer des pistes aux autres, mais... et d'ailleurs, précision... Il y a peut-être des copies qui s'en viennent ici, ils ont été commandées. J'ai un éditeur, le livre est sorti au Québec d'abord, puis est sorti en France il y a un an et demi. Mon éditeur est à Rennes, il est supposé faire venir des copies. Elles seront peut-être arrivées dans les prochains jours. En tout cas, bref, le livre existe. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ils ne sont pas arrivés, mais bon. Donc, je vous prie de me croire, le livre existe pour vrai. Oui, c'est ça, c'était lancer des pistes, puis une des choses qui m'étonne, qui est du domaine du sens commun désormais, c'est de voir que quand on utilise des espaces publics, mais on le fait de plus en plus en étant donc partiellement absorbé par des interfaces numériques. Et il y a un concept, il y a un sociologue dans les années 60 qui parlait à l'époque de toutes sortes de stratégies, un sociologue qui s'appelle Erwin Goffman, qui parle de stratégies dans l'espace public pour protéger son espace privé, hein, de placer des objets, de mettre son sous-verre sur un verre quand on va fumer, etc. Bon, il y a tout un ensemble de stratégies comme ça qui sont des codes intégrés qu'on redéploie sans arrêt à chaque fois qu'on se croise sur un trottoir. Enfin, on respecte un certain nombre de codes. Des codes qui varient aussi d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, on arrive dans un autre pays, puis tout d'un coup, on est brusqué par une chose et pas par l'autre. Alors, tout ça est intéressant, mais évidemment, Goffman parle dans les années 60, alors il n'y a pas encore ces interfaces numériques-là. Récemment, je pense qu'on peut réactualiser la question en disant que le téléphone, c'est l'hypothèse, permet de créer des territoires privés portatifs avec une capacité immersive énorme qui fait en sorte qu'on va donc parcourir un espace avec des gens autour de soi, mais qui aura en réalité très, très peu d'interactions. Et j'ai fait une demande de financement, j'attends des réponses pour la suite, mais j'ai fait des tests dans les dernières semaines où je me suis installé dans différents espaces publics et semi-publics, des cafés, tout ça, je faisais de l'observation. Et j'y allais par sens. Combien de sens sont partiellement occupés par le numérique? Puis une séance d'observation où pendant une heure, j'ai vu 200 quelques personnes qui passaient ou qui s'arrêtaient dans une sortie de métro, en fait. Il y avait 55% des gens qui étaient sur leur appareil, qui avaient au moins un des sens partiellement occupé par leur appareil, et jusqu'à 10% qui avaient trois sens occupés par l'appareil. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'ils vont... C'est les écouteurs... Le téléphone dans les mains, donc le tactile, puis ils regardent le téléphone en même temps. Puis des fois, ils parlent en plus. Puis là, Et donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui commencent à être étudiés, comme les smombies, par exemple, les zombies qui ont des accidents parce qu'ils sont absorbés par leur... Il y a des rituels d'interaction qui changent quand les gens ont leur téléphone ou pas. Il y a des stratégies d'évitement dans l'ascenseur où on prend le téléphone tout de suite, ça devient un peu la norme, sinon c'est un peu suspect. Enfin, il y a tout un ensemble de mécanismes qui se mettent en place, mais étonnamment, dans la recherche scientifique, il y a très peu de recherches qui ont été faites là-dessus, parce qu'encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour une raison qui m'échappe, on fait peu de lien entre ces soustractions de la sociabilité dans l'espace public puis le potentiel de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'architecture à y changer quelque chose. C'est comme s'il y avait une déconnexion qui est totale. Je t'ai dit tout à l'heure une anecdote que j'aime bien, c'est comme si on allait voir un disquaire en lui disant « Vos chutes, les ventes de disques, ça chute, n'est-ce pas? » Oui, oui. Puis là, vous savez que... Est-ce que vous faites un lien avec les plateformes de streaming, puis c'est comme, non, pas du tout. Moi, je vends des disques, hein. Donc je fais du concret, ça n'a rien à voir. Puis des fois, puis je m'en prends pas à personne en particulier, mais quand on aménage encore une fois des villes aujourd'hui où on a des espaces publics souvent qui sont figés à jamais, qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas transformer avec le temps, j'appelle ça le syndrome du ruban rouge. On crée un espace... On coupe le ruban rouge, puis on s'attend à ce que, à jamais, ça sera un lieu qui sera approprié, vivant. Puis je me dis, non, c'est peut-être qu'il faut faire un peu plus désormais pour happer les gens momentanément, partiellement, de cette vie-là qui est de plus en plus vécue dans un ailleurs, puis les revenir ici, maintenant. Par rapport à ça, parce qu'en effet, toi, tu ne fais pas un constat positif, alors tu fais pas un constat exclusivement négatif de l'apport du numérique dans notre pratique de la cité, mais tu exprimes bien que ça pose tout un tas de sujets qui sont pas adressés dans la conception de l'urbanité et de l'habité en général. Quelle solution t'as identifié à ce jour qui permettrait justement de revenir vers une ville tangible qui favorise des échanges entre humains, des échanges d'humains vers des non-humains également? Et qu'est-ce qu'on peut simplement mettre en place pour éviter la dérive de ces smart cities qui nous promettent une efficacité toujours plus grande? Alors, vers quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, sûrement pas en faveur de liens et de solidarité entre les humains. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer mettre en place ou conseiller aux décideurs de la ville? Oui, parfait. Alors là, je vais regarder un peu mes notes parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu mon livre. Dans le train, tout à l'heure, j'en oubliais des parties. Puis je me suis dit, non, c'est trop gênant. Alors, j'y suis retourné. Dans l'essai, je me suis amusé à imaginer des qualités propres à cette ville-là. Que si elle commence... En fait, mon idée, c'est une conception c'est une utopie qui est atteignable. Je pense que ces aspects de la cité analogique, je pense qu'un certain nombre existent, sont encore là. Il y a encore des sociabilités qui fonctionnent. Maintenant, pour en faire un mouvement, pour que ça devienne plus tangible, il s'agit peut-être de se reconnaître dans le miroir, puis reconnaître un lien commun en tout un nombre de pratiques plutôt isolés en général, mais qui vont en sens inverse du projet qu'on nous vend, du projet urbain qu'on nous vend, qui est, à mon sens, un projet de privatisation de nos vies. En fait, on va dire, c'est une sorte de prolongement du modèle suburbain pavillonnaire dans lequel j'ai grandi. Moi, donc, j'avais la fameuse petite maison nord-américaine avec... on n'avait pas de piscine, nous, mais bon, le sous-sol, enfin... Alors... Il y avait un certain nombre d'avantages. Voitures, entre tout, centre d'achat, et la totale. Et il y avait peu d'espace, finalement, pour exprimer, pour échanger, pour être un peu dans l'informalité. Il y avait bien un endroit où on allait faire des feux puis fumer des cigarettes, mais bon, c'est devenu un nouveau développement, puis tout d'un coup, il n'y avait plus rien à faire. Alors, j'ai vécu cette suburbanisation-là. J'ai l'impression que le numérique le prolonge d'autant plus en suggérant un modèle de vie dans lequel on serait ultimement appelé à ne rencontrer personne jamais. Pas parler, pas rencontrer de caissier, caissière à l'épicerie. Enfin, tout est sans contact. Et puis, on passe comme ça dans la vie. Tu as parlé tout à l'heure de demander les directions. C'est banal, mais ça fait partie du charme de la rencontre. Ça peut mener à une sérendipité qui va mener à autre chose, etc., etc. Bon, bref, alors, je reviens dans mes notes ici. Et avertissements aussi, c'est pas nécessairement c'est des prises que je propose, c'est pas nécessairement des solutions concrètes, c'est un agrégat de petites choses qui pouvaient être faites. Mon point de départ était de dire, regardons un peu ce qu'est le numérique maintenant, puis regardons ce qui fonctionne pas. Alors, j'ai sorti 4 écueils, puis là, je me suis amusé à trouver donc des 4 écueils qui étaient liés à des choses peut-être que la ville pourrait combler ou offrir différemment, relancer. Alors, première question, c'est la question de l'obsolescence programmée du débat public. Hein, le numérique a donné une vitesse de croisière au débat public, aux questions d'actualité, qui est telle qu'on se sent toujours à la traîne. Bon, il faut réagir sur la nouvelle chose à chaque semaine. Et puis, il y a de l'obsolescence, surtout dans le sens où quelques semaines plus tard, on ne parle plus de ces débats-là, on est rendu à l'autre question, puis il ne faut pas s'attarder à telle histoire, hein, cette histoire ancienne. Alors, je me dis, qu'est-ce que peut faire l'urbain par rapport à ce type de mécanique-là? Bien, c'est d'avoir une qualité, c'est d'être dans la lenteur, hein, puis de favoriser des lieux où on peut peut-être se déconnecter complètement ou momentanément, mais avoir des pratiques comme ça où on aurait l'occasion, dans des tiers-lieux, on reviendra sur la question. J'ai une définition un peu différente du tiers-lieu, mais d'imaginer des lieux de rencontre où on pourrait discuter. Un autre écueil, c'est la dépersonnalisation des interactions humaines dans le numérique. On parle avec des gens qui sont anonymes ou qui sont donc pas chez soi et qui écrivent des trucs orduriers, mais au milieu de la nuit, alors qu'ils sont en plein divorce, puis ils ont bu. Je caricature, mais on ne sait pas d'où les gens viennent. Et Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand que j'aime beaucoup, parle dans un livre qui s'appelle « La résonance ». Il parle de l'importance, en fait, des contacts tangibles, notamment parce que, il faut y croire aujourd'hui, être dans la même pièce qu'une personne, échanger, c'est pas la même dynamique. On l'a vécu avec beaucoup de visios, puis des cours. J'ai donné des cours en ligne, puis c'était atroce, des centaines d'écrans noirs. Puis j'étais tout seul dans mon bureau à parler à mon ordinateur. Puis là, je demandais une fois de temps en temps, juste allumez vos ordinateurs, s'il vous plaît. Puis c'était. Alors, à nouveau, pratique, utile, important, fait en sorte qu'on n'est pas toujours obligé de se déplacer pour la moindre raison, mais c'est important aussi d'être dans le même endroit. Il y a des choses qui circulent dans l'espace, des contacts. Goffman en parle beaucoup aussi, d'ailleurs, ce contact tangible. Alors, c'est ça, une autre qualité à donner à la ville, créer des lieux où il y a des rencontres tangibles. Troisième point, c'est structuré, tout ça. Le troisième point, j'ai appelé ça la performativité des relations interpersonnelles. Il faut quand même savoir que la sociabilité en ligne, disons dans les médias sociaux, est une sociabilité qui est enregistrée. On fait acte de notre propre capital social en se prononçant dans des débats de société. Et donc, à tout moment, ce qu'on va dire peut être retenu contre nous. Et ce qui, bon, ça a un certain nombre d'avantages. Ça permet d'éviter peut-être des abus langagiers, etc. Mais il y a un revers à tout ça aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'apprentissage dans la vie, puis je pense à des enfants, je pense à mes filles notamment, passe aussi par l'expérimentation, passe aussi par le fait de parler sans être écouté, sans avoir de micro dans la smart city, sur les murs, de se tromper, de s'amender, de construire sa pensée en plein vol, de s'excuser, etc., de dire des choses qu'on ne pense pas, même. Et puis, ça me fait penser, j'ai eu une conversation avec un ami cet été qui, je suis aussi dans le milieu de la musique, mais en tout cas, c'est un peu compliqué, mais lui qui a un label, qui a une étiquette de disque à Montréal, puis certains des artistes, l'étiquette, qui ont été dans des histoires un peu mêlées parce qu'ils ont dit des choses, des petits scandales, mais peu importe. Puis il me dit à un moment donné, spontanément, il me dit, c'est bien parce que ma fille a appris comment ne pas se mettre un pied dans la bouche, puis c'est bien. Puis moi, j'étais un peu scandalisé, puis je lui disais, je trouve ça un peu triste, en fait, de, de, de structurer le langage dès le plus jeune âge en considérant qu'on sera toujours, qu'on profane une bêtise qui va nous suivre toute notre vie. Et je pense que là, l'urbain peut créer des espaces plus intimes, hein, ou recréer ou inventer des lieux où on peut peut-être rentrer en contact avec l'altérité, avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous, notamment, qui seront considérés médiatiquement comme des ennemis jurés, alors que ben, finalement, il suffit peut-être de se parler pour se rendre compte qu'on partage plus que... Alors, ça a l'air très angélique dit comme ça, mais j'ai quelques exemples à donner, mais je pense que ça se peut. Le quatrième problème que j'avais identifié, finalement, c'était le transfert des décisions humaines à des machines. Je parlais beaucoup de la smart city dans ce contexte-là. Je pense qu'avec la montée des intelligences artificielles, on aura à se poser des questions là-dessus. Et je pense que une ville qui est intéressante a la capacité d'être imparfaite. Elle peut créer des collisions entre les gens, elle peut créer des moments où il y a conflit d'usage, où il y a tension, mais c'est des tensions qui sont humaines, qui sont vivantes, qu'on peut mettre en valeur, parce que c'est pas vrai que l'objectif d'une ville, c'est seulement d'être de plus en plus efficace. Je crois pas à ça. C'est pas une entité passive, c'est une entité vivante qui doit être parcourue et échangée, finalement. Mais j'avais fini, en plus. Je t'en prie. Je reviens sur le concept que tu évoquais de ralentir et plus largement de lenteur, qui est un concept qui vient aussi des mouvements slow italiens sur le slow food et qui a eu des théorisations sur l'urbain et l'architecture. Et dans la pensée de la lenteur, on inclut souvent le droit à l'erreur comme un fondement finalement de la pratique positive de nos vies. Et ça ne fait pas forcément et uniquement appel à une notion de vitesse, parce que c'est vrai que quand on parle de ville lente, on pense souvent par finalement opposition à une ville qui vit à 200%, la métropole bruyante, etc., et que le simple ralentissement suffirait à rendre une ville lente et agréable. Qu'est-ce que justement dans une ville qui tendrait ou qui chercherait à corriger le tir par rapport à cette ère numérique, quelles mesures de ralentissement on peut exercer au-delà de du simple ralentissement de nos rythmes, qu'est-ce qui participerait, et notamment dans ce droit à l'erreur de l'expérimentation. On évoquait tout à l'heure ensemble le mobilier urbain, qui est un exemple assez intéressant. Aujourd'hui, on visse le mobilier urbain. Enfin, on a des vis de 15 cm dans une dalle béton, et puis la chaise, elle est là, et vous ne bougez plus jamais. Ou si vous êtes trois, c'est votre problème. Il y a deux chaises, elles ont été pensées pour être ici, et puis vous allez, votre troisième, votre pote, il sera par terre ou plus loin. On parlait du jardin du Luxembourg, où on a encore des chaises qu'on peut déplacer, qui créent ces dispositifs finalement adaptables, et ces mécanismes justement autogérés, mais d'accepter la perte. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner comme oui, ça? C'est amusant en plus parce qu'il y a une urbanisation qui existe depuis longtemps, notamment en Europe, notamment dans les piazzas italiennes, où on avait des mécaniques comme ça qui fonctionnaient quand même, puis qui survivent, mais qui sont, avec le fonctionnalisme puis ses dérivés par la suite, sont étonnamment transformés. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir modifier son environnement change beaucoup de choses, fait notamment augmenter le sentiment d'appartenance à un lieu. Donc, quand on peut ça commence dans le jardin communautaire, quand on peut bouger la terre, déjà, ça devient notre lieu. Puis ça va jusque la capacité de bouger, de moduler un peu son espace. Et je pense que j'ai travaillé dans les dernières années là, en parallèle de mon enseignement, mais enfin, j'étais un peu dans le milieu du ce qu'on appelle le placemaking à Montréal, mais enfin, ça porte toutes sortes de noms, mais c'était des initiatives qui sont pas toutes bonnes, ça peut aller dans tous les sens, mais où on va essayer d'animer des espaces momentanément en disant, ben, on va faire une activité, ça sera buvette, on a des équipements assez légers. Placemaking, tu me dis si je me trompe, mais c'est l'urbanisme transitoire, la traduction à peu près en français? Disons que c'est des mouvements parallèles. Il y a l'urbanisme tactique aussi, il y a l'urbanisme, bon, moi je mets ça sous le chapeau des urbanismes temporaires. Peut-être la distinction de l'urbanisme transitoire, c'est que c'est beaucoup à l'intérieur des édifices. Et donc, la condition de base du transitoire, c'est la vacance. Un lieu vacant entre deux occupations qu'on occupera. Puis là, je suis allé à Césure, à Paris, pour une activité avant-hier. Puis c'est un campus comme ça, temporaire. Puis j'étais vraiment été impressionné. Et on fait beaucoup avec peu de choses, finalement. Plutôt que de laisser un édifice à l'abandon, exposé aux intempéries, on l'occupe avec des moyens simples. On préfigure peut-être des usages futurs, mais aussi, finalement, on l'active, cet espace-là. Et la vacance n'est pas tout à fait vraie dans l'espace public, parce qu'un espace public, un parc, par exemple, ou une place qui est sous-utilisée, on va pas la fermer, on va pas mettre un cadenas à la porte. Alors, la dynamique est un peu différente, mais je pense que à une époque, à nouveau, où les choses... Là, c'est très paradoxal, ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'à mon sens, pour lutter contre l'accélération, un peu au sens de Paul Virilio, donc l'idée d'un monde où on se sent toujours à la traîne parce qu'on nous demande de plus en plus, peut-être que dans les villes, il faut non pas se cantonner dans la durabilité absolue, mais peut-être créer, animer des espaces, puis les faire évoluer un petit peu plus rapidement en fonction des besoins des gens. Et l'erreur peut exister dans ce contexte-là si on imagine des projets qui ont la possibilité d'être réversibles. Moi, je pense qu'on confond souvent durabilité et permanence. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Un parc qui est permanent ou un espace public qui est permanent, conçu pour durer, vissé au sol, conçu pour durer 200 ans, j'exagère, 100 ans, disons, mais s'il n'est plus utilisé, pour moi, ce n'est pas particulièrement durable. Alors que si on a un projet qui est fait avec des matériaux recyclés, légers, qui fonctionne, puis après quelques années, on se rend compte qu'il n'y a plus d'attrait ou les riverains ne se reconnaissent pas dans ce projet-là ou ils ne sont pas entendus ou ils ne se sentent pas entendus. Dans des conflits d'usage, là, c'est très, ça peut jouer sur des petits détails. Des fois, j'ai un exemple que je pourrais donner d'un projet à Montréal. Alors voilà, donc on peut à ce moment-là le rendre plus durable en le faisant évoluer par petites touches et en acceptant que peut-être un jour, on met la hache dedans, mais c'est pas obligé d'être un geste comme ça, mais on passe à autre chose, on évolue, on fait évoluer, puis on fait monter les voix citoyennes dans ces projets-là aussi, en les impliquant, les gens. Le projet auquel je pensais, c'est un projet qui est pas pérenne encore, mais c'est un projet qui est un peu phare à Montréal, qui s'appelle le village au pied du courant, qui existe, que tu connais, qui existe depuis une dizaine d'années environ, qui est un site près du... Vous êtes allé à Montréal, près du pont Jacques-Cartier. C'était en fait un site qui appartient au gouvernement provincial. C'est une chute à neige l'hiver. Donc littéralement, on met de la neige, il y a des trappes qui mènent la neige dans le Saint-Laurent. Donc le site n'a jamais été occupé et il y a une dizaine d'années, un organisme qui s'appelle la Pépinière a investi ce lieu-là. Puis donc c'est une activité qui revient à tous les ans. Mais c'est dans un quartier qui est quand même... plutôt défavorisé, en gentrification, mais bon. Et puis, dans les premières années, il y a eu des conflits comme ça d'usage parce que des gens dans le quartier disaient « ben on n'a pas accès à ce lieu-là ». Et notamment parce qu'il y avait un problème de permis d'alcool qui faisait en sorte que comme eux vendaient, ils avaient un bar sur le site, c'était pas possible de rentrer avec son propre alcool. La raison pour laquelle je dis « rentrer avec son propre alcool », c'est que dans ce quartier-là, depuis... Des dizaines d'années. Il y a de l'autre côté, donc sur une île, sur le Saint-Laurent, pendant l'été, il y a un festival de feux d'artifice. Et les feux d'artifice, c'est le jeudi soir. Le jeudi soir, les gens sortent de chez eux avec les chaises, vont s'installer dans ce coin-là, un peu partout, avec les chaises, puis avec leur propre alcool, essentiellement. Et donc, ils ne pouvaient pas rentrer sur le site. Mais là, c'était toute une histoire de permis. Ah, puis il n'y avait pas de toilette aussi à l'extérieur. Et tout d'un coup, il y a eu des négociations. Donc là, je suis dans le détail concret, mais l'organisme, finalement, a négocié avec la ville en disant « Il faut penser différemment ces usages-là. Nous, on n'est pas un événement. On n'est pas du permanent, on est quelque chose entre les deux qui revient aux saisons estivales. Alors, trouver des solutions, éventuellement négociation. Donc, ils ont fait installer des toilettes à l'extérieur au bonheur de tout le monde. Et ils ont permis l'accès aux gens du quartier dans ces soirées-là. Et il y a un maillage qui s'est créé parce que le site leur était destiné aussi. La perception était peut-être qu'il était destiné aux nouveaux arrivants du quartier, plus fortunés, bon, qui sont en train de transformer... Mais c'était pas ça le souhait au départ. Alors, donc, des maladresses, des incompréhensions, mais un projet dans ce cas-ci qui fonctionne relativement bien, je dirais. Ça fait référence aussi à ce que tu évoquais de l'urbanisme du ruban rouge, qui est de dire qu'après qu'un projet soit livré, en fait, il est considéré comme fonctionnel et il n'est jamais remis en question, il n'est jamais étudié. On ne s'interroge jamais sur la réalité de son usage ou de ses possibles améliorations. Et la question de la ville durable que tu remets en perspective, on discutait un peu aujourd'hui de la question des labels et comment aussi il faut repenser aujourd'hui le sens profond qu'on met dans les mots. Il y a un livre dont on avait fait un arpentage contre la ville durable qui revenait justement sur cet enjeu-là et qui est une critique aussi une contre-vision de la permanence, parce qu'on a un peu des fois le sentiment qu'on étant arrivé à l'apogée de notre civilisation presque, il faudrait que tout ce qu'on construise soit jamais sous cloche. Notre rapport au patrimoine aussi, il a énormément évolué ces 100 dernières années, avec une volonté de geler un petit peu tout ça, de presque la ville muséifiée par moments. Comment, toi, dans ton travail sur cette réflexion-là, sur l'impermanence et les changements, tu te questionnes aussi sur cet enjeu du patrimoine et de Totalement. Sa transformation? Oui, je suis membre d'une chaire en patrimoine urbain, d'ailleurs. Puis c'est intéressant que tu dises ça, parce que pour moi, cette vision-là, elle est pas anti-patrimoniale. Au contraire, elle est patrimoniale dans le sens où ça me semble plus important de faire avec l'existant. En ce qui est là, ce qui fait sens pour les gens. Peut-être que des fois, effectivement, il y a un certain nombre de pratiques qui vont geler les façons de faire, les façades, etc. On pourrait l'imaginer un peu différemment, surtout si des lieux qui ont un usage qui a évolué, qui ne fonctionne plus, peut-être le faire circuler davantage. Mais je pense que la clé dans ce cas-là, ça sera demander aux gens dans un secteur. Nous, on a beaucoup d'églises qui... Il n'y a plus de paroisses, il n'y a presque plus de fabriques au Québec. Il y a des milliers d'églises. Il y a un budget famélique pour leur entretien. Alors, on sait d'avance qu'il y en a une très bonne partie qui, malheureusement, seront démolies. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors là, est-ce qu'on fige puis on dit non, il faut les conserver toutes et chacune à tout prix? Non. Quel sens ces ont dans la vie des gens dans des sociétés séculaires, diversifiées, qui se représentent le monde de différentes façons? C'est étonnant de voir comment, dans différentes collectivités, finalement, quand on pose la question aux gens, ils sont, même en n'étant pas religieux, sont très attachés, par exemple, au clocher ou à ces lieux-là pour un usage un peu différent. Alors, je pense qu'il y a des choses à faire avec le patrimoine. Je pense que le patrimoine a un droit à la ville aussi, d'une certaine façon. Et pour revenir aussi à ce qu'on disait là, par rapport à la lenteur, je saute un peu du coq à l'âne, mais il y a un autre projet où on regardait qu'est-ce qui arrive quand on piétonnise temporairement une rue. Et puis, on a quelques indications dans les dernières décennies de l'effet d'une piétonisation chez Yann Gehl notamment, puis chez d'autres praticiens qui en ont fait. Mais qu'est-ce qui arrive quand elle est temporaire, saisonnière, par exemple? Il arrive toute une série de choses, mais dans un projet qu'on a fait, c'est intéressant parce qu'on avait la capacité de comparer une rue qui est en temps normal, donc avec des voitures, de circulation, puis une rue qui devient piétonne pendant l'été. Et tu parlais de ralentissement, là, on le voyait à l'œuvre. En fait, la rue, quand elle est fermée, quand elle a tout un ensemble d'usages qui se mélangent, quand il y a une liquéfaction des fonctions, la rue, elle devient collante, littéralement collante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on a fait 162 heures d'observation, on prenait des photos d'un endroit, on avait une caméra, et je travaille beaucoup avec la photographie, j'ai mon appareil devant moi, On faisait des photos 5 minutes, puis on regardait la composition. Qu'est-ce que les gens font? Comment ils interagissent? Où ils vont? Et c'était fascinant parce qu'on se rendait compte, d'une part, que quand la rue est fermée, quand les usages sont mélangés, hein, plutôt que d'avoir chaque lieu spécifiquement pour une chose, là, c'était un peu de tout. Il y avait une espèce de carré de sable pour les enfants, des lieux pour se protéger du soleil. Bien, d'abord, il y avait plus de gens. La taille des groupes était plus grande aussi. Les usages étaient plus diversifiés, beaucoup plus diversifiés. Beaucoup plus d'usage social aussi. Usage social, c'est simplement des choses qui demandent au moins 2 personnes pour être réalisées. Donc, parler, par exemple. Donc, généralement, on fait ça à 2 plutôt. Et ce qui me fascinait surtout, c'est qu'on faisait un ratio, on a compté toutes les personnes, on évaluait s'ils étaient en mouvement ou arrêtés. Puis on se rendait compte, en fait, qu'en temps normal, sur cette rue-là, le ratio de personnes stationnaires en mouvement est à peu près de 1-1-1. C'est-à-dire qu'il y avait autant de gens qui bougent que de gens arrêtés. Et quand on ferme la rue, tout d'un coup, ça grimpait jusqu'à 3-1 personnes stationnaires versus personnes arrêtées. Alors, c'est un chiffre, ça veut en soi seul rien dire, mais contextuellement, puis quand on parlait aux gens aussi, on les interviewait, on se rendait compte qu'ils y parlaient avec leurs voisins, ce qu'ils n'avaient souvent pas fait précédemment. On avait, dans les sondages, on a demandé à presque 300 personnes, est-ce que vous avez rencontré des gens que vous ne connaissiez pas dans votre quartier, sur ce lieu-là? La moitié nous ont dit oui. On avait une sous-question qui était, est-ce que vous avez entretenu des liens depuis avec cette personne-là? Une autre moitié nous a dit oui. Puis finalement, on a demandé, on avait une question du type, est-ce que vous avez encore des projets ensemble? Puis on a donné des exemples. Et puis là, on était à, finalement, sur le total, c'est une autre moitié, donc à peu près 15 % des gens qui rencontraient désormais des voisins, des gens qu'ils ne connaissaient pas, qui avaient peut-être justement croisé dans l'ascenseur, mais avec le téléphone, donc ils ne s'étaient pas parlé. Mais là, tout d'un coup, ils se connaissaient, ils se parlaient. Donc, c'est peu, mais c'est énorme en même temps. C'est absurde. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'émeut là-dedans. Est-ce que vous avez réussi à évaluer les conséquences sur la santé psychique et sur la vitalité démocratique en fait, d'espaces de ce type-là qui favorisent des rencontres, du dialogue et de l'altérité? On sait qu'il y a, il y a des conséquences directes et mesurables sur moins on a de relations sociales, plus on est soumis et plus on est possiblement sujet à de la dépression, à des maladies, etc. Et on a une dégradation de la santé. Ça, c'est quelque chose que j'imagine qu'ont été étudiés par tes collègues. Et sur la question aussi le volet démocratique, comment ce qui est un peu plus peut-être compliqué à mesurer? Est-ce que ça, c'est des choses que vous arrivez à explorer? Mais ça commence, mais c'est vraiment la recherche est étonnamment peu documente, peu ça. En psychologie sociale, il commence à avoir des données intéressantes qui sortent. Effectivement, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui parle d'une pandémie mondiale de solitude. C'est quand même pas rien. Il faut commencer quelque part, puis ça me semble être là. Dans notre cas, on n'est pas allé sur le plan psychologique, mais moi, je l'évoque partiellement dans le livre parce que ça a été une autre entrée dans cet essai-là aussi, mais cet essai-là est en réponse à une situation que j'ai vécue, en fait, une tragédie qu'on a eue dans notre famille. Puis, comme je le dis, ça ne me gêne pas d'en parler, mais en 2017, on a perdu un enfant. Et ça a dévasté la vie, comme vous pouvez le deviner. Mais ça a été une occasion pour moi, en fait, de prise de distance par rapport à ma propre pratique numérique pour me rendre compte à ce moment-là que dans ma propre détresse et mon propre malheur, j'étais toujours sur mon téléphone et dépassé au fond par quelque chose qui est une espèce de flux continu, mais qui m'alimentait puis qui fait créer une sorte de distraction. En réalité, c'était ça, une distraction. Et j'ai redécouvert cette année-là la vie de mon quartier, en fait. En fait, je ne l'ai pas redécouvert, je l'ai découvert. Ça faisait pas longtemps que j'y habitais. Puis ça a été une source pour moi extraordinaire de bonheur, juste de... entre autres un café ou finalement qui est pas d'un type de café third wave silencieux type tombeau à internet où tout le monde est sur son ordinateur, mais c'est un propriétaire italien qui parle tout le temps. Alors l'ambiance est vraiment un bon enfant. Je me suis agrippé à ce milieu-là avec notre autre fille aussi, finalement avec des parents, puis j'ai commencé à m'impliquer dans la vie de quartier, ce que j'avais peu fait dans ma vie adulte et enfant en banlieue. On oublie ça, en banlieue pavillonnaire, on oublie ça, ça existe, mais enfin, c'est plutôt famélique. Et c'est ça, pour moi, ça a été une extraordinaire découverte de voir l'importance des liens faibles, dans l'importance de cette vie de quartier qui offre un recadrage, une possibilité d'action sur notre monde qui est quand même intéressante. Pour moi, c'est pas banal. C'est pas banal de s'impliquer, d'aider finalement des voisins. On peut dire, on peut imaginer que le monde est en feu aujourd'hui, mais je pense pas que de s'en scandaliser derrière son téléphone change quoi que ce soit de toute façon. Alors, aussi bien peut-être réinvestir ces échelles-là dans lesquelles on peut faire des choses, puis on peut... Moi, je l'ai vécu comme ça, puis ça a été une libération. Puis alors, à mon anniversaire de l'année suivante, j'ai décidé de... Je me suis dit, il faut que je me fasse un cadeau. Alors, j'ai fermé mon compte Facebook, puis je ne l'ai jamais réouvert depuis. Puis, je suis bien content de ça. Mais je suis pas au-dessus de tout ça, soyons francs. Là. J'ai mes pratiques aussi en ligne, mais comme tout le monde. Mais j'essaie de contrôler tout ça. Puis là, il y a ma fille qui a 12 ans. Vous imaginez pas dans quel monde on rentre. Enfin, c'est une autre histoire. En parlant de rompre la solitude et de faire lien, on avait envie de vous ouvrir la possibilité d'adresser des questions sur la ville analogique ou plus largement sur l'urbanité à Guillaume. Est-ce que parmi vous, une personne aurait envie de poser une question? Je vais te demander de venir ouvrir le bal. Ça, c'est gênant. Non, ça va. Merci pour l'échange. Moi, je me posais la question si dans ton travail, tu avais étudié un peu l'envers du décor avec le numérique et avec les réseaux, les infrastructures, enfin la question des data centers et de tous les câbles qui alimentent en fait cette bulle numérique et qu'on voit pas nous avec nos terminaux qui sont des téléphones, et sur les conséquences que ça a pour la production de la ville. Comment, je sais pas, nous en banlieue parisienne, il y a plein de data centers qui émergent, qui poussent comme des champignons, ça augmente le coût de l'électricité, ça ruine la vie des gens parce que ça fait une chaleur de fou à côté de leur maison. Est-ce que toi tu as un peu étudié ça? Alors, pas beaucoup en termes de recherche, mais c'est des questions qui m'intéressent de plus en plus parce qu'effectivement, je suis absolument d'accord que il y a un fantasme de l'éther du numérique qui en réalité est faux, est accompagné de structures qui sont absolument énergivores, dans un contexte où je pense que l'urbanisation, finalement, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, les transformations environnementales à l'échelle mondiale, la fonte du cap la fonte des glaces au pôle, pour moi, c'est des phénomènes urbains en réalité. Mais c'est une urbanité qui est du décor, c'est l'envers, hein, c'est les métaux, c'est le cobalt qu'on va recueillir pour faire des batteries, pour mettre dans les téléphones après. Il y a tout ça qui existe derrière. Et je pense qu'en termes de consommation d'énergie avec les intelligences artificielles, ça sera d'autant plus découplé dans le futur, effectivement. Alors, il y a quelque chose de l'envers du décor ou l'arrière-scène qui apparaît de plus en plus derrière tout ça. Oui, j'entendais ce week-end, je crois, dans l'émission la dernière, il y avait l'intervenante qui parlait justement du fameux cloud, et aussi pourquoi on a désigné l'infrastructure Internet par ce mot-là, le cloud, qui en fait renvoie à quelque chose d'immatériel, alors qu'en réalité, tout ça est très très tangible, matériel. Ça me fait juste rebondir en attendant pour la question, mais tu m'as évoqué aujourd'hui la question d'un urbanisme planétaire. Oui, oui. Je trouve qu'il raccroche cette question de dire que la fonte d'un glacier, en fait, c'est une question urbaine et c'est une question qui a un lien et qui a une prise directe avec nos pratiques quotidiennes. C'est quoi cet urbanisme planétaire? Oui, c'est une nouvelle. Donc, en théorie urbaine, il y a des grands modèles. Puis, dans les dernières décennies, on a pensé beaucoup l'urbain en termes économiques. Et ce qui est vrai, de toute façon, à travers le temps, l'économie est structurante. Quoique, il n'y a pas que ça, parce que on peut aussi... je ne pense pas que l'urbain n'existe que pour des raisons économiques. Je pense que les humains sont grégaires, malgré tout. Si on avait le choix, c'est pas comme si on allait tout le monde retourner vivre chacun dans sa cave, ou je sais pas, se cacher dans un coin. Mais penser beaucoup par l'économie a quand même ses limites parce que dans un contexte néolibéral, finalement, tout s'explique par des raisons économiques éventuellement. On s'y perd un petit peu, puis au tournant des années 2010, il y a un professeur à Harvard qui s'appelle Neil Brenner, puis un professeur à Zurich qui s'appelle Christian Schmidt, qui ont proposé une nouvelle théorisation qui s'appelle l'urbanisme planétaire. Et leur idée à eux, c'est de dire que le monde non seulement s'urbanise au sens d'Henri Lefebvre qui anticipait dans la révolution urbaine, c'est-à-dire effectivement depuis 2007, la majorité du monde vit dans des villes. Mais au-delà de ça, c'est que la différence fondamentale, ce qui fait la condition de la ville historiquement, d'une opposition ou tension avec la campagne ou la ruralité, pour eux, c'est complètement éclaté désormais. C'est pour ça qu'ils vont dire que l'urbanisation, elle est planétaire. Oui, il y a des centres où, accessoirement, on est plus rapproché, il y a plus de densité. Mais en réalité, c'est ça, toutes ces transformations-là, même jusqu'aux satellites, participent d'un seul et même phénomène qui se traduit mal. L'exemple qu'ils utilisent souvent, c'est de dire on a des représentations de la NASA, de la Terre, de nuit, avec des points lumineux où ça serait urbain, puis le reste serait pas urbain. Mais pour eux, c'est de dire ben c'est faux. D'ailleurs, ces représentations-là sont un peu truquées parce que en réalité, il y a des lumières partout, à part dans le Sahara, puis dans certaines zones en Amazonie. Donc, mais les territoires, les mers, les océans sont utilisés d'une manière urbaine aussi. C'est un arrière-pays. Même la transformation à échelle plus locale, si on a des gens qui habitent à la campagne, mais travaillent en ligne, donc en télétravail, on est dans une urbanité qui est totalement fluide. Alors, ils essaient de penser plutôt en termes de processus désormais, de processus d'urbanisation, plutôt que des lieux physiques qui correspondent à un état des lieux, petites villes, des typologies traditionnelles. Pour eux, c'est assez éclaté tout ça. Moi, je pense que l'éclatement, un peu dans le sens de ton commentaire aussi, je pense que l'éclatement, c'est aussi de penser la ville physique, la ville des humains, la ville des non-humains aussi, puis de voir comment les lieux influencent les gens influencent les lieux. Comment est-ce qu'on peut penser une ville qui est traversée de la nature? La ville n'est pas une construction artificielle opposée à la nature. Elle est sans... Les eaux montent, notamment. Tout ça est lié. La température, les animaux. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Les ambiances qui donnent, je pense, à l'analyse... Quand on considère tout ça dans un aplat pour essayer de comprendre une situation, je pense que ça donne une lecture qui est plus riche ultimement. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Alors en fait, j'ai deux questions. J'aurais aimé t'entendre sur la question justement des zones pavillonnaires, suburbaines, etc. Les exemples que tu donnes sur recréer des lieux du commun, des lieux de rencontre. J'entends plutôt des lieux de centre, enfin en tout cas avec une densité certaine. Alors moi aussi, j'ai grandi en zone pavillonnaire, mais on jouait au skateboard dans la rue, on allait chez les uns les autres, enfants, on s'occupait des animaux, des voisins, enfin voilà. Et donc pour moi, il y avait aussi quand même une forme de proximité, de voisinage. Je ne sais pas si c'était le cas partout, en tout cas c'est mon vécu. Comment, avec les usages numériques, pour toi, ça a modifié ou pas? Qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce que tu prônes pour ces espaces-là? Enfin, voilà un peu une question là-dessus. Et ma deuxième interrogation, elle est sur... au début de ton intervention, tu parlais de ville analogique, tangible, quelque chose qui soit ici. Mais le ici, il est souvent assez identique dans toutes les grandes villes, un peu partout... en France et dans le monde, enfin, voilà, toutes les grandes villes occidentales se ressemblent de plus en plus. Alors bien sûr, ça vient aussi du courant des modernes, enfin voilà, des courants d'architecture qui ont été un peu le style international, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a une influence, à ton sens, aussi de la ville numérique, enfin de ces usages numériques, de cette uniformisation des images qu'on a dans un renforcement encore de cette uniformité, pour le coup, concrète et tangible de nos villes, voilà, un peu de grandes interrogations. Merci beaucoup. Ma réponse, c'est oui. C'est tout. Non, j'ai une anecdote. Récemment, je devais rendre un texte, un chapitre dans un livre, puis j'étais un peu en retard, puis j'avais un peu oublié la commande aussi. Et par hasard, la veille, je suis retourné dans le patelin où j'ai grandi, un endroit qui s'appelle Laval, qui est en banlieue nord de Montréal. Donc, ville qui n'a rien à voir que le Laval d'ici. Ville palindrome parfait, en plus, ça me fait rire. Mais c'est une invention, c'était une série de villages sur une île qui s'appelait l'île Jésus. C'est quand même ça, ça ne s'invente pas aussi. Mais qui a été créé dans les années 60, projet un peu moderniste et tout ça. Et je suis retourné, pour la première fois depuis des années, avec ma fille Pauline, qui a 5 ans. Puis je suis allé parce que j'ai acheté un vieux poster que j'ai acheté en ligne, et on m'a donné rendez-vous dans ce qu'on appelle un Power Center, hein, qui est donc toute une série de centres d'achat, c'est même pas centre d'achat, le centre d'achat est mieux qu'un Power Center, parce qu'au moins on marche d'un commerce à l'autre, là il faut prendre sa voiture pour aller d'un endroit à l'autre. Bref, dans le stationnement là, de ce Power Center, par le biais du numérique, je suis retourné à Sainte-Dorothée avec ma fille, et je me suis dit, ah ben tant qu'à être, prends ton vélo, c'était le week-end. Elle apprenait à faire du vélo, puis on est retourné dans les lieux de mon enfance. Puis j'ai eu un choc quand même, d'une part, parce que ce qui était... Bon, enfin, il y avait une certaine vitalité, malgré tout, dont je me rappelais dans les parcs. Et puis là, les quelques personnes que j'ai vues, c'était sur leur téléphone. Hein, il n'y a pas eu de contact, il n'y avait pas de contact visuel, il n'y avait pas d'interaction. Alors, c'est un micro-échantillon, mais c'est justement ce que je voudrais vérifier avec... commencer à explorer en termes de projet de recherche, que change finalement cette fermeture supplémentaire du territoire personnel qui est rendue possible par le numérique, par cette bulle numérique-là. Je pense que ça prolonge ça. Et il y a un lien avec la deuxième question, parce que je suis aussi allé voir un nouveau projet de condominium, un truc gigantesque, qui est dans la mouvance de ces espèces de condos là où on vend pour le flip un peu. Alors, c'est pas très personnalisé. Hein, ça donne sur l'autoroute, puis un stationnement. Et même sur le site Internet du projet, je suis allé voir, il y avait un onglet quartier. Je me suis dit, ah, quartier, qu'est-ce qu'ils vont dire sur le quartier? On clique dessus, puis c'était en fait une carte muette avec les quelques commerces luxueux à plus ou moins proximité. Je me suis dit, OK, c'est ça le quartier, finalement. Ce qu'on vend comme projet, c'est un... Dans ce cas-ci, c'est un imaginaire de l'hôtel. Hein, ce n'est pas un imaginaire habité, qu'on transforme, qu'on... Alors, déjà là, on est plus loin, à mon sens, que le pavillon où on fait sa cabane en jardin, à jardin soi-même, puis pour s'éloigner de sa famille quelques heures, taper. Alors, il y avait quelque chose qui était déjà un petit peu plus, comment dire, à une échelle peut-être plus humaine. Je pense que ce caractère générique-là de beaucoup de projets vient du fait que désormais, je ne sais pas comment le dire autrement, que le contenu me semble être de plus en plus ailleurs. On veut du bon Wi-Fi, on va au Starbucks en arrivant dans un pays parce qu'on sait comment ça fonctionne, on sait ce qu'on va avoir. Alors, ces non-lieux-là de Marc Auger, je pense qu'ils ne font que s'accélérer. D'ailleurs, Marc Auger a écrit un petit commentaire sur ces non-lieux il y a quelques années avant de décéder, où il disait, je constate que c'est plus vrai que jamais. On crée des boîtes blanches architecturalement. Là, ce n'est pas une critique qu'on compte ici. C'est un lieu magnifique, patrimonial déjà. Mais on crée des boîtes blanches dans lesquelles, finalement, les contenus peuvent circuler. Puis le sens, l'esthétique du lieu... devient un petit peu secondaire, lointaine. Tu sais, je pense, par exemple, aux banques du 19e siècle. Hein, bon, c'était le symbole d'un capitalisme qui s'affichait à l'époque, qui était fier de lui. On rentre dans l'ère industrielle. Mais c'était toute une architecture qui était réfléchie symboliquement, où on avait donc l'entrée dans la banque, on avait des grosses portes lourdes, parce que c'est difficile d'accéder au capital. On franchit, on traverse vraiment le comptoir, on va s'humilier devant quelqu'un qui va nous dire « Ah, peut-être, mais vous savez, monsieur, votre crédit n'est pas très bon. Mais bon, il donne quand même. » Et avec une voûte derrière gigantesque, formidable, où il y a le trésor. Il y a tout donc une décoration réfléchie, basée sur le néoclassicisme, très forte. Qu'est-ce que c'est une banque aujourd'hui? C'est un bouton sur mon téléphone. Ah, ça change des choses, ça change quelque chose. Il y a même il y a des projets un peu dans le mouvance métavers et tout ça, qui vont arriver, je pense, tôt ou tard, mais où on imagine carrément des endroits qui pourront être personnalisés selon chacun des utilisateurs. Exact. Moi, je vais choisir d'être dans un bar, toi au café. On aura des ambiances musicales différentes chacun. Puis on va nous servir. Moi, j'aurai ma bière, tu auras ton café. Puis bon, voilà, on va échanger comme ça. Les voitures se referment de plus en plus sur le plan du design. Les écrans sont de plus en plus gros, le rapport au paysage est de plus en plus petit, parce que ce qu'on veut créer, c'est une ambiance intérieure. Donc, et dans ces conditions-là, je pense qu'on survole le paysage. On le faisait déjà avec la voiture jusqu'à un certain point, mais on pousse cette logique-là de plus en plus loin. Je pense que ça a des conséquences délétères, notamment sur une uniformisation du monde. Mettez sur un aplat 20 photos d'aéroports aujourd'hui. Bonne chance de découvrir dans quel pays ils se trouvent. Il va y avoir des petits moments de reterritorialisation avec le kiosque des produits locaux, le sirop d'érable et tout ça. Alors, les trucs qu'on achète à dernière minute parce qu'on a oublié de... Il y a ça, mais... Alors, ça annonce pour moi un monde qui s'en vient, puis c'est... Je m'excuse, je vais terminer là-dessus, ma longue réponse, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu des Ikurokami au Japon, en fait, qui est un phénomène social de santé publique qui n'est pas strictement numérique, qui date depuis la crise économique de 98. En fait, il y a au Japon, maintenant, on estime à plus de 10 millions de personnes qui vivent sans sortir de leur appartement. Qui sont branchés, ils sont en ligne, ils se font livrer la nourriture, avec des histoires d'horreur de type « on découvre que telle personne est morte parce qu'il y a une odeur dans l'édifice », littéralement. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est très extrême, mais je pense que ces outils numériques-là nous permettent de moduler notre rapport à autrui. Puis c'est pas inintéressant de texter quelqu'un plutôt que de l'appeler directement. Ça va, je fais ça aussi. Mais je le vois en classe, le contact humain de personne à personne devient difficile. Au retour de la pandémie, j'ai été frappé tout d'un coup à la pause, surtout dans des cours des étudiants qui arrivent à l'université. Tout d'un coup, à la pause, c'était le silence total. Et pendant des semaines, puis j'ai eu ça l'automne dernier, j'enseignais, parce que qu'est-ce qui arrive à la pause? C'est ça le geste. On ne se parle pas. Après quelques semaines, tout d'un coup, ça a commencé à se dégêner. Et je me dis, on joue avec quelque chose qui est une vraie institution sociale, un patrimoine à protéger, je pense, de s'habituer à la rencontre, au contact, à la confrontation, minimalement. Est-ce qu'il y a une dernière confrontatrice qui souhaiterait poser une question? Je peux vous inviter à venir parler dans le micro, comme ça, ce sera capté pour nos auditeurs du futur. Donc en fait, cette bulle numérique, ça nous pousse à être seuls, en fait. C'est ce qu'on... tout seul, mais aussi d'être statique, en fait, d'être assis tout le temps, de plus être en mouvement. Et c'est aussi la perte du mouvement. Alors qu'on peut se mouvoir à plusieurs, c'est mieux, sûrement. Mais déjà, tout seul, sortir, aller marcher, faire du vélo, je trouve que moi, personnellement, je fais ça pas mal. Quand je suis dans ma bulle numérique, j'en peux plus. Et d'aller sortir, marcher une heure, ça fait vachement de bien, quoi. Et donc, une ville un peu résistante, peut-être aussi, c'est aussi des espaces où on peut faire du vélo, marcher, courir, je sais pas, se réapproprier aussi nos corps qui sont pas faits du tout pour être assis sur une chaise toute la journée, c'est atroce, quoi. Et en plus, il y a tous les problèmes de santé qui mental, mais aussi physique, quoi. Qui donc, je pense que c'est absolument d'accord. Et d'autant plus que les études montrent bien que les mauvaises nouvelles en ligne circulent plus rapidement et de manière plus large parce que c'est... Puis là, il y a des explications de type psychologie évolutionnaire où on est attentif aux signaux de danger depuis longtemps. Forcément, nos cerveaux, s'il y a du feu sur la colline, ben, d'habitude, on devrait y être attentif. Mais il y a quelque chose qui, sur le plan de l'équilibre, de la santé mentale, qui est assez difficile à tenir, hein, finalement. Puis, et c'est là où, moi, mon idée, c'est de... Je pense qu'il faut plus gêner, comme on en parlait tout à l'heure, on est quand même dans des modèles où ce qui est le plus précieux pour les grandes entreprises du numérique aujourd'hui, c'est notre attention. Hein, c'est ça. On ne paye pas pour beaucoup de services, juste parce qu'on a nos yeux, hein, on a nos pupilles sur... On est attiré par ça. Puis il faut arrêter de se gêner, il faut le dire. S'il y a quelque chose qui doit être balancé. Bon, il y a une époque où on fumait dans les avions. Hein, puis là, aujourd'hui, on pense à ça, puis on se dit, ben, c'est incroyable! Il y a une époque où on faisait des quartiers ouvriers avec à la porte des usines, des résidences. Bon, aujourd'hui, on a changé les pratiques. Et j'ai l'impression qu'il y a un tournant là, par rapport au numérique qui est d'ailleurs... qui est, à mon sens, qui n'est pas un tournant de personnes plus vieilles qui ont connu autre chose. Moi, je suis un peu dans la bascule. J'ai 45 ans, mais mon espoir, c'est de voir des plus jeunes qui sont intéressés par ça aussi. On me raconte là, toutes sortes d'histoires de soirées où on met les téléphones à entrer dans un sac, hein, des adolescents, adolescentes. Ce qui est hyper inquiétant, c'est les enfants. Justement, tu parlais des enfants qui jouaient dans la rue, les enfants qui sont sur des écrans tout le temps, qui jouent plus ensemble, qui expérimentent plus le corps. Enfin, c'est. Ouais, comme dit le psychosociologue Jonathan Haidt, on a surprotégé nos enfants dans la ville, puis on les sous-protège en ligne, alors qu'ils sont face à une prédation qui est d'un autre ordre, mais beaucoup plus vaste. Ouais. Ah, donc, il ne faut, faut pas se gêner, puis il faut retourner en ville, puis il faut occuper, puis pas parler à ses voisins tous les jours, je comprends. Il y a des journées un peu plus... mais pour moi, c'est le début de quelque chose, de se reconnaître là-dedans, dans ce désir-là de parler. C'est le début. Victor, tu voulais poser une question? Oui, avec plaisir. Oui, juste une question assez basique, je trouve, sur la Smart City, sur les caméras de vidéosurveillance, qui deviennent vraiment un argument de politique sécuritaire. Enfin, là, on le voit avec le maire actuel qui défend ça comme un projet où il veut doubler le nombre de caméras, qui veut passer de 100 à 200. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est. Il y a un truc où ça peut rassurer certaines personnes de se sentir observées, du coup, en sécurité, si jamais il se passe quelque chose. Mais d'un autre côté, c'est ultra aussi oppressant. Et voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Oui, oui. Est-ce qu'il est ici ce soir, le maire? Non, il n'est pas là. Je ne le connais pas, alors, OK, on peut parler dans son dos. C'est tout le paradoxe de la sécurité, notamment la sécurité la nuit. Je pense qu'on a besoin. Pour que la nuit fonctionne bien, la nuit urbaine fonctionne bien, on a besoin de se sentir en sécurité. Mais paradoxalement, on ne peut pas surprotéger la nuit non plus avec des caméras de sécurité parce qu'on crée, on perd l'essence de ce que fait l'urbanité. Donc, il y a une fine ligne à maintenir et je pense que Sur ce plan-là, les caméras de sécurité font un travail. C'est assez incroyable à quel point, quand on voit des enquêtes policières, tout ça, à quel point on a déjà accepté beaucoup de choses. Moi, j'ai vu, là, j'oublie le nom, mais c'est une photographe qui fait ce qu'on appelle la post-photographie. Donc, c'est des œuvres où on utilise de Google Earth, ou enfin, on utilise de la production de caméras de surveillance. Et elle... Je vais me rappeler de son nom dans 10 minutes, je sais, mais peu importe. A parlé avec des dirigeants, hauts dirigeants enfin, de sécurité de l'Union européenne qui travaillent sur des nouveaux types de caméras qui seront en mesure, en fait, de reconnaître, avec l'intelligence artificielle, de reconnaître des comportements potentiellement suspects. Ça veut dire, par exemple, marcher, s'arrêter, déposer une valise, continuer. Alors donc, ça peut être un geste type terrorisant, disons. Ça, d'ailleurs, ça a déjà été déployé Paris, dans le cadre des JO. Il y a eu toute une expérimentation autour de la surveillance algorithmique où il y a une analyse de la démarche posturale. Et en fait, on peut détecter des comportements suspects, des attroupements particuliers, des réactions de foule. Et cette surveillance algorithmique-là, elle a été prolongée, parce qu'elle devait être temporaire. Ah oui, ben parce qu'une fois que c'est en place, on peut plus s'en passer. Parce qu'on a invoqué aussi un espèce d'état d'urgence permanent pour de justifier ce prolongement. Et puis en disant, bah, regardez, ça a bien marché, en gros, donc on continue. Et puis, c'est quelque chose qu'on vend. Je sais que, par exemple, à Nice est une des villes françaises qui a été le plus loin dans ces expérimentations-là, notamment en lien avec des business de la surveillance algorithmique chinoise. Enfin, il y a des trucs un peu particuliers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de caméras de vidéosurveillance et le nombre d'infractions et finalement d'agressions, on va dire, dans une ville. Ce qui est un peu... Mais tout le monde le sait, mais c'est pas grave. Il y a une idée de se protéger. Moi, je trouve intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il faudrait pas que ça remplace une bonne qualité urbaine et un bon dessin de la ville, quoi. Finalement, la première mesure de sentiment de sécurité dans une ville, c'est quand même la manière dont elle est dessinée, dont on fait en sorte qu'elle soit agréable à vivre, avec des espaces qui participent par eux-mêmes à une forme de sécurisation, parce qu'ils nous permettent de ne pas être dans des espaces craignos. Parce que si on dit que les caméras suffisent, on peut délaisser la qualité architecturale et urbaine en disant que c'est pas grave, on surveille. Donc vous pouvez être dans des villes de merde, entre guillemets, vous êtes surveillé, vous êtes en sécurité. C'est fascinant parce qu'on va relire Jane Jacobs, qui critique le modernisme au début des années 60, parle de ça, les yeux sur la rue. Quand il y a une mixité d'usages, si on a un marché public... le soir, puis il est rendu 22 heures, puis il y a des gens qui font plein de choses en simultané, ça fonctionne. Enfin, il y a une sécurité, mais qui s'installe tout naturellement. Et je pense qu'on nous a vendu un imaginaire de la ville intelligente dans lequel, finalement, tout est beau, c'est merveilleux. On voit des gens plutôt aisés qui sont branchés de partout tout le temps, mais qui n'ont rien à cacher. De toute façon, on sait bien. Mais quand on reprend tous ces codes-là puis cette surveillance-là, exactement les mêmes mécanismes, puis qu'on les déplace dans un quartier populaire, ça prend tout un autre sens. D'un coup, on fait « Ah, attention, là, on joue avec quelque chose qui est un peu... qui est très particulier, en fait. » Pour conclure, on a une question traditionnelle à Chantier commun, et de savoir quel chantier commun tu penses qu'il est important de mettre en place en premier, ou quel chantier commun important tu voudrais nous partager, peut-être pour participer justement d'une lutte ou d'un accès vers une ville plus tangible. C'est une bonne question, fait me prévoir. Et il faut tout numériser, c'est ça, vous avez bien compris, c'est ça. Écoute, moi, je pense qu'il y a un chantier commun qui est à construire qui, sur ces questions-là, je vais rester... C'est pas la seule chose qui m'intéresse, on en parle aujourd'hui, mais enfin... je pense qu'il y a un chantier commun qui est à construire qui dépasse un peu le spectre gauche-droite sur des gens qui sont relégués par rapport à ces technologies-là qui nous atomisent, et un mouvement mondial depuis 2023-2024 de gens qui, notamment, commencent à dire dans les écoles, ça va faire, là. Ça va faire les téléphones partout. Je pense qu'il y avait une certaine gêne par rapport à tout ça, où on avait peur d'être, je ne sais pas, ça soit réactionnaire ou ringard, de dire « Ah, c'est une nouvelle technologie, il faut les apprendre. » Moi, je pense qu'il y a, il y a du bon dans la pause, il y a du bon dans l'aller-retour. Et allons plus loin, pensons au droit à la déconnexion, finalement. Si les gens de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans des camps où il n'y a pas de Wi-Fi, puis ils passent leur été là, puis si des gens qui ont un chalet ou une maison à la campagne peuvent se permettre quelques semaines l'été de se débrancher du téléphone, qu'en est-il des gens dans des milieux urbains qui n'ont pas la capacité de faire ça? Il y a quelques années, j'avais travaillé avec une boîte d'architecture à Montréal qui s'appelle Microclimat. Parce que de pencher sur la question, c'était dit, si on voulait démocratiser un peu ces moments de déconnexion-là, par où commencer? Puis ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris les stations de métro. Il y en a partout, ben pas partout à Montréal, c'est plutôt au centre, mais enfin, il y en a plusieurs dans les quartiers plutôt. Puis on s'est dit, plutôt que ce soit juste des courroies de transmission entre les circulations de la vie, bon, tu sais, où les gens sont pressés, on s'est dit, ben, on avait fait des maquettes, on avait fait plein de trucs, puis c'était, j'espère que ça fonctionne un jour. Mais c'était, on a créé des espèces de bulles au-dessus des métros dans lesquelles on avait la possibilité soit de sortir dans la rue, puis de continuer la vie, ou soit de prendre un autre escalier puis d'aller dans un espace de contemplation qui était tout calme, avec des plantes, de la musique. Puis on s'est dit, pour rendre accessible, finalement, en tout lieu, c'est cette pause-là qui peut être très momentanée, ça peut être juste 5 minutes, un petit moment, hein, parce qu'il y a peu d'incitatifs aujourd'hui pour nous enlever le téléphone de nos mains. Alors, il faut peut-être inventer, forcer la note, un peu inventer des moyens, inventer des espaces, voir qu'est-ce qui arrive finalement quand dans une soirée, justement, on place le téléphone dans un casier où on a un valet à téléphone, hein, très gentil, qui vient prendre le téléphone puis dit « Ce soir, vous allez être avec vos amis, puis vous allez parler, puis il n'y aura pas le téléphone sur la table. » Hein, je pense qu'il faut un petit peu se dégêner là-dessus. Puis il y a un chantier à mettre en place, puis des lieux à créer architecturalement qui vont accueillir ça. Mais là, je laisse la tâche aux architectes, ça dépasse mon domaine de compétences. Merci beaucoup, Guillaume Métier. Je rappelle juste ton ouvrage « La ville analogique » qui est disponible, évidemment, en ligne, sur les internets. Disponible, ok, ouais. Et évidemment, qui existe, hein, qui est un vrai ouvrage palpable. Je remercie le pavillon d'avoir accueilli cette rencontre et merci aux équipes de Radio Phoenix d'avoir assuré la captation de cette rencontre. Merci à toutes et tous de votre présence et puis je vous dis à bientôt pour d'autres chantiers communs.